Madame, monsieur, vous avez oublié vos billets ? Non, ce ne sont pas les nôtres. Vous avez demandé aux deux hommes là-bas ? Oui, mais ce ne sont pas les leurs.